Bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Éric Delvaux. Avec vous, l'actualité des sciences, les inattendus de la science. On commence avec cette découverte, lire dans les pensées des autres. Jusqu'ici, c'était un fantasme. Eh bien maintenant, avec la technologie, cela deviendrait possible. Et cela avec un casque qui est développé par le MIT. Ah, n'aimerais-tu pas pouvoir lire dans les pensées de l'autre? Le casque Alter Ego détecte les signaux neuromusculaires qui passent au niveau de la mâchoire et de la bouche quand on se parle à soi-même. Pensez à une phrase, un exemple au hasard. J'aime le 6-9 de France Inter, mais ne prononcez pas la phrase. Si vous portez le casque Alter Ego, il a entendu ce que vous avez pensé et peut donc le restituer. Alter Ego est en mesure d'identifier les mots avec une précision de 92%. La machine va plus loin, elle peut fournir des réponses à des questions juste formulées en pensée. Avec des écouteurs, l'utilisateur peut interagir de façon totalement silencieuse avec l'appareil. C'est le casque. On va le mettre sur ta tête. Pense. Alice, la grande saucisse. Découverte donc du MIT, disiez-vous. Le MIT, c'est... Le Massachusetts Institute of Technology, Eric. Autre recherche à présent à propos des chats. Ils aiment la musique. Oui, à condition qu'elle soit composée spécialement pour eux. Moi vouloir être chat. Les chats vocalisent une octave au-dessus des humains. Des morceaux ont été spécialement composés pour eux par des chercheurs. Un basé sur le tempo d'un ronronnement, un autre sur le son fait par le petit qui tète. Pour tester cette musique, les scientifiques ont fait écouter de la musique classique, du Fauré, du Bach et des chansons pour chats à 47 félins exactement. Les ronronnements, déplacements vers le haut-parleur, frottements contre l'appareil étaient considérés comme des réponses positives à la musique, alors que le gros dos ou les poils hérissés étaient les signes de réaction négative. Conclusion, les chats semblent bien plus sensibles à la musique composée pour eux. Éric, on va peut-être imaginer des émissions de radio pour chats. Oui, vous nous étonnerez toujours et notamment chaque week-end dans cette chronique. Fabienne, de toutes les espèces les plus proches de nous, Homo sapiens, c'est la seule à arborer un menton. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi. Eh ben non. Un chercheur américain a retracé l'évolution du menton dans le temps. Selon lui, il y a près de 450 000 ans, l'ancêtre commun de Néandertal et d'Homo sapiens s'est séparé en deux lignées, celle de Néandertal, sans menton, et celle de Sapiens, qui avait l'esquisse d'un menton. Il a fallu environ 250 000 ans pour que le menton apparaisse. Sa rapide évolution laisse supposer que ce caractère a émergé sous l'influence d'une pression forte, mais on ne sait toujours pas laquelle. De nombreuses hypothèses ont été formulées pour favoriser le langage, pour attirer un partenaire. Le menton aurait aussi pu apparaître après un changement de régime alimentaire. Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette ou le menton. À propos des cernes des arbres, eh bien, on a découvert que ces cernes permettent de mieux appréhender notre histoire. Et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, très exactement. Achtung, Achtung. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés ont tenté à plusieurs reprises de couler le Tirpitz, ce que Churchill surnommait la bête. Le navire a été envoyé par le fond en 1944. Bien plus tard, en 2016, dans les forêts bordant un fjord norvégien, une chercheuse est tombée sur des traces plutôt inattendues de ces combats. En mesurant les cernes des arbres, elle a constaté qu'ils étaient pratiquement absents pour l'année 1945. C'est un scientifique local qui lui a permis de faire le lien avec le bateau. Le Tirpitz et ses 2500 membres d'équipage s'étaient à l'époque cachés dans le fjord. Pour se protéger, les Allemands ont répandu une grande quantité de brouillard chimique qui a envahi les forêts là où se trouvait le navire. Plus de 60% des arbres ont arrêté leur croissance. Il leur a fallu environ 8 ans pour s'en remettre. Et les inattendus de la science, c'est aussi sur franceinter.fr. Merci Fabienne Chauvier.